Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler. Mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez ? Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez, mais j'ai besoin de vous. Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau. Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Tout était à inventer et ils l'ont fait. Pour l'architecte Viollet-le-Duc et ses comparses, c'est une aventure extraordinaire, celle de la restauration de bâtiments somptueux, longtemps méprisés dans ce 19e siècle, qui revisite son passé. La basilique de Vézelay, les remparts de Carcassonne, mais aussi la cathédrale d'Amiens ou encore le château de Pierrefonds et bien sûr Notre-Dame revisitée. Mais quelle flèche, ce Viollet-le-Duc. Les siècles passent, l'histoire s'écrit. Mais ici demeure un témoignage éternel du génie des hommes. Notre-Dame de Paris, vaisseau de pierre, elle voit passer les hommes, elle demeure. Voilà pourquoi Paris s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis. De Notre-Dame de Paris. Un peu d'Édith Piaf, ça fait toujours du bien. Bonjour Nicolas Reveyron. Bonjour. Nous parlons de l'architecture, alors architecture médiévale, mais faut déjà le dire tout de suite, il n'est pas possible de comprendre aujourd'hui ces bâtiments venus du Moyen-Âge sans prendre en compte ce filtre du 19e siècle. Ce qui s'est passé au 19e siècle, la plupart des bâtiments ont été revisités. Tout à fait, ont été revisités en général avec beaucoup de génie, parfois des ratés assez spectaculaires, mais bon, ça c'est un autre problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la perception que l'on peut avoir à chaque époque, parce que le 19e a revisité ses édifices de manière assez solide, le 20e aussi, le 21e continue sur cette lancée, on est en train de changer les approches, bref, il y a ici un très beau sujet. Ah, c'est un sujet absolument sensationnel, parce que nous sommes dans ce 19e siècle. Bonjour Bérénice Gossuin. Bonjour Xavier Mauduit. Qui réfléchit à ce qu'est le patrimoine. On ne peut pas penser Viollet-le-Duc, l'architecture du 19e siècle, sans évoquer Prosper, Mérimée et puis les autres, hein, qui réfléchissent à ce qu'est le patrimoine. Oui, tout à fait. Effectivement, le 19e siècle invente d'une certaine manière le patrimoine comme on l'entend un petit peu aujourd'hui, même si le terme patrimoine n'est pas utilisé au sens où on l'utilise aujourd'hui. Ils inventent les monuments historiques, ils inventent une relation au passé, ils inventent aussi une manière de concevoir l'histoire, à quoi sert l'histoire dans la société contemporaine. Et ça a des effets sur les bâtiments, et Viollet-le-Duc est certainement l'architecte qui a justement porté aussi une vision de l'histoire et la mise en œuvre sur les bâtiments. Bérénice Gossuin, vous êtes architecte du patrimoine, docteur en architecture, maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, avec tout ce travail sur Viollet-le-Duc. Alors, toujours réfléchir à l'arbre qui cache la forêt. Viollet-le-Duc, très bien, il n'est pas le seul. Non. Effectivement, il y a derrière lui et avant lui aussi un certain nombre d'architectes qui travaillent la question des monuments historiques et la question de la restauration. Et d'ailleurs, Viollet-le-Duc, il se définit comme un architecte d'une nouvelle génération aussi de restaurateurs. Et évidemment, comme on parlait de Notre-Dame de Paris, Jean-Baptiste Lassu fait partie aussi de ceux qui sont peut-être un peu moins connus, maintenant un petit peu plus, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années. Mais il y a derrière aussi tout un tas d'architectes qui ont travaillé sur la restauration des monuments historiques, de grands monuments. À la Sainte-Chapelle, ils étaient plusieurs dizaines. Voilà, il y a quand même beaucoup d'architectes qui se sont formés à ce moment-là et qui ont aussi marqué et qui ont fondé une pratique architecturale complètement nouvelle dont a hérité l'école de Chaillot et les architectes du patrimoine et les architectes en chef des monuments historiques aujourd'hui. Donc c'est aussi toute une filiation qui continue d'exister d'une certaine manière aujourd'hui. Nous leur devons beaucoup. Nicolas Reveyron, vous êtes professeur d'histoire de l'art et d'archéologie du Moyen-Âge à l'université Lyon 2. Ces idées reçues sur l'art roman, c'est le titre d'un de vos ouvrages, mais en fait tout ce que nous évoquons ici, c'est une question de regard. Il faut construire l'image que ces gens du 19e siècle avaient de leur passé pour comprendre la démarche de Viollet-le-Duc. Absolument. Le gros problème pour le début du 19e siècle, c'est évidemment l'héritage de la Révolution. c'est un événement qui a tout aboli. Point. C'est-à-dire que non seulement les hiérarchies habituelles ont disparu, il faut trouver une place, et ça c'est le grand thème des romans depuis Stendhal, Balzac jusqu'à la fin du 19e et au-delà. Et d'autre part, la question du patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine immobilier, tout simplement ces tas de pierres, qu'est-ce qu'on en fait puisqu'il n'y a personne pour les servir? Donc il faut soit les détruire, il y avait des projets, je pense que c'est apocryphe, de destruction de Notre-Dame de Paris avec le comte de Saint-Simon, mais bon, ça c'est une autre histoire, Marcel Aubert en parle, c'est un peu douteux, mais Bérénice sait ça certainement mieux que moi. Et d'autre part, il y a la prise de conscience d'une perte, on va perdre quelque chose qui est un trésor d'art et qui est aussi encore une partie vivante de la civilisation. Ah oui, c'est le paradoxe de la Révolution française, Bérénice Gossuin, c'est qu'il y a cette idée de destruction et dans le même temps, pour d'autres, l'idée qu'il faut conserver tous ces trésors. Destruction des cathédrales, c'est envisageable? Alors, c'est oui, et en fait, je pense que c'est ça qui est important à comprendre aussi, c'est que on préserve parce qu'il y a risque de perte. C'est quand on se rend compte que tout va disparaître qu'on commence à préserver. Là, on peut faire un rapprochement un petit peu plus contemporain avec les questions du changement climatique, par exemple. On voit des choses disparaître et tout le monde s'affole, d'une certaine manière. Eh bien, ce qui se passe, effectivement, à la Révolution, c'est ce genre de choses. Et puis, avec des rebondissements aussi, en 1830, et un certain nombre d'événements qui vont affecter, notamment Notre-Dame de Paris, la destruction des cathédrales, disons qu'elle, pour Notre-Dame de Paris en particulier, elle s'attache surtout à des destructions qui sont plutôt symboliques, c'est-à-dire que c'est les statues, en particulier les statues des rois, qui sont jetées à bas et décapitées aussi symboliquement, c'est-à-dire qu'il s'agissait de symboliquement décapiter toute la lignée des rois de France après avoir décapité Louis XVI, quoi, réellement. Donc c'est un acte aussi symbolique, le vandalisme révolutionnaire, qui a d'ailleurs été appelé vandalisme à ce moment-là, hein, l'abbé Grégoire. Trouver un mot pour tuer la chose, hein, pour justement essayer d'arrêter ce mouvement de destruction et au contraire essayer de faire en sorte que ces objets d'art finalement deviennent accessibles au plus grand nombre, là où auparavant ils auraient été réservés à une aristocratie, donc une certaine partie de la population, alors que là il s'agit véritablement d'ouvrir à l'ensemble de la population. On a ce moment Révolution française, mais Nicolas Revers, on peut le placer sur un temps plus long aussi de changement de regard, parce que c'est pas en 1789 que les gens se disent « Oh, ce qui est médiéval, c'est vilain, on va le détruire ». C'est aussi le fruit de ce qui s'est passé depuis au moins le XVIe siècle, un changement de regard sur le Moyen-Âge, cet art gothique. Tout à fait. C'est même un changement sur le très long terme et un changement générationnel. Changement sur le très long terme puisque il y a eu des abus dans l'Église, ça c'est quelque chose de classique qui ne pose aucun problème aux historiens, qui fait qu'il y a des vengeances. Hein. On a des évêques, par exemple, qui se font assassiner en plein XIIe siècle. Ça c'est pas, c'est pas un problème si je viens de parler, mais ça existait. En revanche, on sait au moment de la Révolution parfois venger sur les édifices comme Cluny. C'est la vengeance d'un ancien. Un moine qui a voulu, comme ça, marquer son temps en détruisant ceux qui oppressaient. Il y avait quelques moines qui oppressaient tout un pays. C'était quelque chose de complètement hallucinant. Donc, il a fallu dépasser tout ça et retrouver l'art du Moyen-Âge. Mais l'art du Moyen-Âge n'existe pas au début du 19e. Il faut la révélation, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, il faut la révélation de Chateaubriand dans le génie du christianisme pour dire il y a un art chrétien. Pourquoi? Ben parce que la religion d'un côté et l'art de l'autre sont deux choses différentes. Et les réunir, ça veut dire faire passer aussi la religion ailleurs que là où elle se trouve normalement dans les esprits. Donc il y a des chamboulements dans tous les niveaux. Et pour finir, rapidement, il y a aussi un autre aspect, un aspect très mercantile, qui est que tous ces édifices occupent des terrains, et vous récupérez les terrains. Tout simplement, on détruit, on récupère les terrains. C'est tellement vrai que, si vous vous souvenez, les Illusions perdues de Balzac, lorsque le héros fait enterrer sa bien-aimée, il la met dans la fosse commune parce que les terrains, même dans les cimetières, sont devenus très chers. Et donc, il y a cet aspect-là qui a été dénoncé par Diderot, Diderot est un écrivain assez extraordinaire dans les annales archéologiques, il a un style absolument fabuleux, et il met exactement le doigt sur les choses. Avec ici, c'est très intéressant, hein, cette évocation de ces destructions par l'économie, le terrain, la vente des biens nationaux. Mais on peut quand même le dire, sous l'Ancien Régime, Notre-Dame de Paris, par exemple, n'était plus en très très bon état. Il y a beaucoup de bâtiments du Moyen-Âge qui étaient un peu délaissés. L'idée même que c'est un art, un tantinet barbare, l'art gothique, ça n'est pas la Révolution, c'est antérieur. Oui, c'est antérieur, bien sûr. Dès la Renaissance, hein, c'est le terme gothique est un terme péjoratif. C'est un terme qui a été forgé par les architectes de la Renaissance en Italie, cherchant à fonder une nouvelle esthétique, hein, justement, architecturale, une nouvelle manière de concevoir l'architecture, avec une référence qui est celle de l'Antiquité. Or, cette architecture qu'on appelle l'architecture gothique est celle qui s'est le plus éloignée, finalement, des canons de l'Antiquité. Et donc, les architectes de la Renaissance, cherchant à révolutionner la manière de faire de l'architecture, qualifient cette période dans laquelle ils sont, finalement, de barbares, de gothiques, par référence au peuple goth, présumé destructeur, enfin en partie, de l'Empire romain. Donc de la grandeur de cette architecture de l'Antiquité. Et ces bâtiments venus du Moyen-Âge ne sont plus tellement en bon état. Certains sont complètement délaissés. Ah oui, c'est un beau roman. Au XIXe siècle, lorsqu'il y avait les quatre premiers arcs étaient gothiques et le reste en roman. Et nous devons à Viollet-le-Duc, qui a fait ici sa première, mais peut-être aussi la meilleure de toutes ses restaurations, d'avoir remis non plus du gothique partout, mais du roman, de façon que cette nef soit parfaitement homogène. Très beau travail encore qu'a fait Viollet-le-Duc, c'est qu'il a nettoyé entièrement l'église d'un badigeon qui la recouvrait. Et maintenant, vous pouvez apercevoir ce magnifique coloris de pierre qu'il donne à Vézelay, ce ton chaud particulièrement beau. Quelle est la longueur du narthex ici ? Le narthex a 25 mètres, la nef a 62 mètres de long. En tout, l'église en a 125. C'est une des plus longues églises de France. Ah oui, c'est une des plus longues églises de France, présentée par le révérend père Dominique, moine dominicain. Nous étions en 1953. Nicolas Reveyron, par exemple, le cas de Vézelay. Vézelay, et on l'a entendu hein, dans cette archive, marque le temps qui passe, au sens où eh bien les badigeons sont arrivés, il y a des petits changements. Dans quel état est Vézelay quand Viollet-le-Duc arrive pour s'occuper de ce chantier? On est au 19e siècle. Vézelay est en très mauvais état, la voûte menace de s'effondrer, ça a été la première préoccupation, rétablir la solidité du bâti et en profiter pour effectivement homogénéiser l'ensemble, faire disparaître les voûtes gothiques de la partie ouest, et puis nettoyer l'édifice. Ça, c'est le retour à la pierre, c'est une espèce de vérité de la construction à la pierre. Ça, c'est très amusant de voir comment réagissent les architectes du 19e, qui sont assez proches finalement des architectes qui ont construit l'édifice, à cette différence près que au 12e, au 13e siècle, on arrive à faire des faux appareils peints sur les murs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très beau parement de pierre, mais vous allez redessiner les joints et colorer les... Et alors, ce qui est amusant pour notre époque, c'est que ces badigeons qui sont omnis au 19e, vous avez des pages de Flaubert sur les badigeons, vous savez, quand il va se balader en Normandie, il déteste tous ces badigeons qui empâtent tout, ça revient complètement à la mode. C'est vrai. À notre époque, ça revient à la mode. L'intérêt est quand même de recharger en calcaire la surface des pierres, de donner une certaine homogénéité, c'est vrai aussi, mais en même temps, on arrive à camoufler parfois les sculptures. Et ça, c'est très dommage, comme on l'a vu, par exemple, à Paray-le-Monial. Avec ici cette idée qu'il faut retrouver quelque chose. Oui, mais quoi? Et vous nous l'avez dit, le génie du christianisme de Chateaubriand, c'est écrit à la toute fin du XVIIIe siècle. C'est un moment hein, de prise de conscience de cet art chrétien. Oui, mais quel art chrétien? Quel art roman? Quel art gothique? À partir de quel moment doit-on se dire bah, « j'arrête ma restauration » Bérénice Gossuin, Viollet-le-Duc est jeune quand il s'occupe de Vézelay. Il n'a pas 30 ans encore. Il a 26 ans. Donc ça met quand même un petit peu, aujourd'hui, nos étudiants en architecture, ils sortent des études, pour ceux qui vont très très vite, ils ont 25 ans. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un de très très jeune qui d'un coup se retrouve chargé d'un monument extrêmement important, qui est un enjeu très important aussi pour la commission des monuments historiques. Et en fait, il y va, c'est un pari hein, qui est fait à la fois par Prosper Mérimée et par Viollet-le-Duc lui-même. En fait, de la réussite du projet dépend la réussite de la carrière de Viollet-le-Duc. Et puis il faut bien quand même se dire que Viollet-le-Duc a une certaine idée de qui il est et beaucoup d'ambition. Et donc, cet édifice est d'abord proposé à deux autres architectes plus expérimentés qui déclinent pour raison de santé ou parce que certains disent que c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Viollet-le-Duc dit « moi j'y vais ». Et là arrive aussi tout le milieu familial de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire que l'oncle de Viollet-le-Duc est un personnage très important dans sa vie, Étienne de l'Écluse, très proche de Prosper Mérimée, écrit aussi à Prosper Mérimée en disant « si Eugène dit qu'il le fera, il le fera ». Et donc, bon, là-dessus, Mérimée donne un peu son accord, et effectivement, bon, il y a quand même toute une histoire de Viollet-le-Duc doit rendre des comptes tous les mois à la commission des monuments historiques pour s'assurer que tout va bien, et il fait ses preuves d'une certaine manière, et oui, mais effectivement, un architecte très très jeune, et un architecte aussi qui n'est pas passé par la formation canonique des architectes. Il n'est pas passé par l'école des Beaux-Arts. Il a refusé d'aller à l'école des Beaux-Arts. Là encore, si je fais la comparaison avec aujourd'hui, ce serait comme si aujourd'hui, une jeune personne qui voudrait faire des études d'architecture au lycée, vers 16-17 ans, disait « le système d'enseignement de l'architecture aujourd'hui en France n'est pas satisfaisant pour les enjeux actuels auxquels doit répondre l'architecture et donc je refuse et je vais me former de manière tout à fait différente. » Alors effectivement, il faut aussi remettre en contexte qu'à ce moment là, quand Viollet-le-Duc est tout jeune, il n'y a pas de diplôme d'architecte, l'architecture n'est pas, enfin, les architectes ne sont pas une profession réglementée, donc évidemment ça change un peu la donne, hein, on se formait un peu différemment, mais néanmoins, vu du milieu duquel il vient, ne pas aller à l'école des Beaux-Arts, c'est quand même montrer une forme de rébellion par rapport à un système académique, et ça très très jeune, et c'est quelque chose qu'il va garder pendant toute sa carrière. Avec cette figure de Prosper Mérimée, qui est inspecteur général des monuments historiques, qui fait confiance à Viollet-le-Duc. Dans cette histoire, il y a beaucoup d'audace. C'est ça qui est fascinant aussi. On l'imagine, 26 ans, il arrive, basilique de Vézelay, ça s'effondre de partout, il dit « je vais y aller ». Il faut de l'argent par contre, c'est un peu cher tout ça. Tout ça est un peu cher. Il y a une politique patrimoniale qui est mise en place par Guizot, donc ça c'est très positif. Il est dans les meilleures conditions pour attaquer le travail et en même temps il apporte du neuf. En fait, Viollet-le-Duc, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un élément de rupture. Il y a vraiment une rupture culturelle totale avec Viollet-le-Duc. L'enseignement, c'est un enseignement qui porte surtout sur l'art antique, sur la Renaissance, éventuellement le moderne. Vous avez ensuite un enseignement qui va porter surtout sur les décors, c'est pas tellement sur la structure. Or, l'architecture gothique, même Vézelay déjà en soi, c'est d'abord et avant tout une structure. Et ce qu'apporte Viollet-le-Duc, c'est plusieurs choses. C'est d'une part s'intéresser à l'édifice en soi, comme un objet, ce qui est évidemment comme un objet démontable, ce qui est évidemment un peu hérétique à son époque. C'est aussi aller créer, inventer un art médiéval, donc le ressusciter. Et c'est enfin apprendre tout de l'édifice. Et l'édifice lui-même est un organisme vivant, une sorte de corps. Écoutez, c'est Viollet-le-Duc qui écrit. De même que le corps humain porte sur le sol et se meut au moyen de deux points d'appui simples, grêles, occupant le moins d'espace possible, se complique et se développe à mesure qu'il doit contenir un grand nombre d'organes importants. De même, l'édifice gothique pose ses points d'appui d'après les données les plus simples, sorte de quillage dont la stabilité n'est maintenue que par la combinaison et les développements des parties supérieures. L'édifice gothique ne reste debout qu'à la condition d'être complet. On ne peut retrancher un de ses organes sous peine de le voir périr, car il n'acquiert de stabilité que par les lois d'équilibre. Dictionnaire raisonné de l'architecture française, Viollet-le-Duc compare le bâtiment gothique, en l'occurrence, à un corps humain. C'est ça hein, qui était vraiment intéressant, Bérénice Gossuin, dans la démarche de Viollet-le-Duc, c'est de comprendre déjà le bâtiment, déjà le comprendre. C'est pas exactement. Rien. Et là-dessus, Viollet-le-Duc inaugure quelque chose dont on hérite aujourd'hui, toujours, quand on s'occupe de monuments historiques, c'est de regarder le bâtiment. D'abord, commencer par faire ce qu'on appelle un diagnostic, comme en médecine, hein, d'ailleurs. On regarde le bâtiment et on voit ce qu'il nous dit. On voit ce qu'il nous dit après, on va aussi dans les archives, on regarde un petit peu comment il a pu évoluer, on essaie de déduire, on regarde en fonction avec l'archéologie du bâti et les archives, comment on en est arrivé à dans la situation dans laquelle on est au moment où on arrive sur le bâtiment. Et ça, Viollet-le-Duc, c'est vraiment quelque chose qu'il inaugure avec, encore une fois, il n'est pas seul, tout un groupe d'architectes qui travaille sur ces questions-là. Et puis, ensuite, effectivement, à partir... Et c'est là où peut-être les choses divergent plus aujourd'hui de l'approche de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire qu'après, lui propose de déduire un certain nombre de choses, même si on n'a pas vraiment la preuve que c'était là. Et c'est ça qui lui a été beaucoup reproché, d'ailleurs, de son vivant, mais aussi et surtout dans la première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que, par exemple, à la salle synodale de Sens, qui est cette grande salle accolée à la cathédrale de Sens, il avait l'amorce, ce qu'il pense être l'amorce d'un banc qui tourne tout au long de cette grande salle. Et à partir de cette amorce, et c'est là que la dimension organique de Viollet-le-Duc, enfin de la pensée de Viollet-le-Duc est importante, c'est que à partir de cette amorce, il peut faire littéralement repousser le banc et le redessiner et le refaire courir sur toute la périphérie. Mais en fait, il n'a pas la preuve que le banc était bien sur toute la périphérie. Mais il s'autorise à le faire. Et c'est là qu'on voit aussi que Viollet-le-Duc, certes, est féru d'archéologie. Il a écrit ce dictionnaire raisonné qui est un monument d'archéologie. Mais c'est aussi un architecte. Donc c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui pense avec la matière et qui se permet parfois des interprétations qui peuvent être contestées par les archéologues, disons. Voilà, c'est ça, hein, c'est cet enjeu d'équilibre parce que il faut être historien archéologue, mais architecte aussi parce que il a un contrat, il faut finir le travail. Nicolas Reveron, c'est tout l'enjeu pour Viollet-le-Duc hein, face à ces bâtiments. On en a cité quelques-uns, que ce soit à Sens, que ce soit à Vézelay, et on va encore en citer parce que vraiment la France entière a vu passer Viollet-le-Duc. C'est ça, c'est que faire et puis jusqu'où aller. C'est très difficile, sachant que, et on l'a dit, chaque bâtiment au fil du temps a été modifié. Donc qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde? C'est la grande question qui est systématiquement posée. Diderot dit surtout on n'enlève rien, on ne touche à rien, il faut réparer, etc. Il y a des formules assez spectaculaires. En même temps, ça n'est pas forcément non plus l'idée de restaurer. Si vous allez rechercher dans les dictionnaires du XVIIe, je pense à Furetière, tout le moins dans son édition de 1724, vous voyez que restaurer, c'est remettre dans son bon état. Comme lorsqu'on va manger, on va se restaurer. Et ça veut dire le mettre à un niveau qu'il devrait avoir par rapport à la personne qu'il emploie. Lorsque on dit, c'est l'exemple qui est pris dans le dictionnaire de Furetière, Louis XIV restaure Saint-Germain, en fait, il l'augmente, il l'agrandit. D'accord? Ah oui. Et c'est une vision totalement différente de la nôtre. Ouais, c'est pas du tout ça que nous, on conçoit par le mot restauration. Oui, si je peux ajouter quelque chose, effectivement, là, pour le coup, Viollet-le-Duc, il a une réponse à cette question, qu'est-ce qu'on garde? C'est-à-dire qu'il met en place, et c'est dans son article Restauration du dictionnaire raisonné, il met en place une sorte de grille d'évaluation presque du bâtiment. C'est-à-dire que la condition pour garder quelque chose, et ensuite la condition dans la restauration d'ajouter quelque chose, c'est que ça améliore le bâtiment. Et ça, c'est très très important. Et c'est pour ça qu'il parle de ce fameux état complet qui peut n'avoir jamais existé. De cet état qui peut être anhistorique. Parce qu'il est historique dans le sens où il poursuit une sorte de ligne un peu asymptotique de l'histoire, qui est cette ligne du progrès. Et là, on voit que Viollet-le-Duc est complètement aussi pris dans la pensée de son temps, qui est cette pensée du progrès. Le bâtiment, même médiéval, doit continuer cette progression au fil du temps. Pour donner un exemple, prenons un bâtiment médiéval qui ne serait pas doté de système d'évacuation d'eau de pluie avec des gargouilles. Mettons qu'au XIIIe siècle, on ajoute des gargouilles. Viollet-le-Duc va considérer ça comme une amélioration. Donc il va la conserver, même si c'est pas l'état premier du bâtiment. En revanche, si, au début du XIXe siècle, auraient été ajoutées des centres d'eau de pluie, des tuyaux de fonte, ça, il va considérer que ça n'est pas une amélioration, et qu'au contraire, ça contribue à dégrader le bâtiment, parce que la fonte, quand c'est mouillé, ça gèle, ça éclate, ça rouille, ça abîme la pierre, et donc, ça n'est pas considéré comme une amélioration, donc ça, il ne va pas le garder. Donc là, il met en place, il a sa réponse, en fait, à cette question, qui serait certainement certainement pas la nôtre aujourd'hui, mais en tout cas, lui, il apporte sa réponse. Et c'est là aussi où ça fait débat, et effectivement, c'est à mon avis un débat insoluble et qui change en fait d'une époque à l'autre en fonction des référents qu'on peut avoir. Eh bien, nous reprenons tout de suite le dictionnaire raisonné de l'architecture française. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Chaque édifice doit être restauré dans le style qui lui appartient, non seulement comme apparence, mais comme structure. Il est donc essentiel avant tout travail de réparation de constater exactement l'âge et le caractère de chaque partie, d'en composer une sorte de procès-verbal appuyé sur des documents certains. L'architecte ne doit être complètement satisfait et ne mettre les ouvriers à l'œuvre que lorsqu'il a trouvé la combinaison qui s'arrange le mieux, et le plus simplement avec la trace restée apparente. Décider d'une disposition a priori sans s'être entouré de tous les renseignements qui doivent la commander, c'est tomber dans l'hypothèse. Et rien n'est périlleux comme l'hypothèse dans les travaux de restauration. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La restauration selon Viollet-le-Duc, une relecture de Raphaël Laloum du dictionnaire raisonné de l'architecture française de Viollet-le-Duc avec l'hypothèse qui est périlleuse, mais Nicolas Reveron, on pourrait dire que l'idée reçue, elle aussi, et je reprends le titre de votre ouvrage publié au Cavalier Bleu, elle aussi est périlleuse parce que nous sommes pétris d'idées reçues et Viollet-le-Duc l'est avec les idées de son temps, le 19e siècle, sur le passé. Il y a chez lui cette démarche de savoir, architecte bien sûr, mais aussi, on peut le dire, historien, archéologue. C'est très important pour saisir sa démarche. Tout à fait, il y a une recherche de vérité dans la restauration, une recherche de vérité qui pose un certain nombre de problèmes parce que on ne sait pas de quelle vérité il s'agit. Lorsque Diderot, par exemple, pour Saint-Germain-l'Auxerrois, demande qu'on conserve les traces des balles de la Révolution de 1830, c'est aussi une vérité historique du bâtiment qu'il ne faut pas éliminer. C'est ce qu'on a fait, par exemple, à Berlin avec le Rathaus ou bien les musées de Lille qui sont très impressionnants pour ça. Mais en même temps, il y a cette volonté, et là on en arrive à la flèche, Bérénice a très bien décrit la pensée de Viollet-le-Duc, mais il y a aussi cette idée qui était déjà exprimée dans le Furetière, qu'il faut aller donner sa véritable place en augmentant quelque chose. Je pense que la flèche de Notre-Dame, et on en reparlera, c'est cette augmentation qui permet de redonner tout son honneur à la cathédrale. Ah ben là, faut en parler de cette flèche, parce absolument. Que pour Notre-Dame, faut souligner que le bâtiment était dans un sale état quand même. On a évoqué les destructions révolutionnaires, mais ça, c'est plutôt symbolique. Hein. Il n'y a pas que ça. C'est le bâtiment, il n'était plus tellement entretenu. La flèche elle-même, la flèche médiévale, avait disparu. Et pour comprendre d'ailleurs dans quel état se trouvait Notre-Dame au moment où Viollet-le-Duc commence à s'en occuper, le mieux c'est de lire le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et si nous montons sur la cathédrale sans nous arrêter à mille barbaries de tout genre, qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée et qui, non moins frêle et non moins hardi que sa voisine la flèche détruite aussi de la Sainte-Chapelle, s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours, élancé, aigu, sonore, découpé à jour. Un architecte de bon goût, 1787, l'a amputé et a cru qu'il suffisait de masquer la plaie avec ce large emplâtre de plomb qui ressemble au couvercle d'une marmite. Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo, c'est 1831, c'est-à-dire qu'on est plus de 10 ans avant que Viollet-le-Duc commence à s'intéresser à la cathédrale. Et Victor Hugo évoque la disparition de la flèche remplacée par un emplâtre de plomb qui ressemble à un couvercle de marmite. Bérénice Gossois, ben, y avait quelque chose à faire ici. Non mais la plaie était béante pour Victor Hugo et donc aussi pour Viollet-le-Duc. Oui, oui, oui. Et c'est très intéressant de relire ce texte qui a été écrit par Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus au moment du concours qui est fait pour la restauration de Notre-Dame, ce concours qui est lancé en 1842 et auquel répondent Viollet-le-Duc et Lassus en 1843. Et dans ce texte, il s'agit bon, déjà de se positionner en tant qu'architecte, parce qu'il s'agit d'un concours, hein, donc il faut le gagner quand même. Et puis, justement, de revenir sur un peu tous les affronts qu'a subi la cathédrale pendant son histoire. Et il y en a plusieurs. Donc, il y a effectivement la Révolution française avec les statues des rois. Il y a cette perte de la flèche. Il y a aussi le travail d'un autre architecte qui fut architecte en chef de Notre-Dame de Paris, Soufflot, architecte du Panthéon également. Et Soufflot, dans leur texte, est quand même qualifié de la personne qui a le plus mutilé Notre-Dame de Paris. Parce que c'est un architecte qui produit de l'architecture néoclassique et qui notamment construit cette sacristie qui pour eux est juste... Oui, une insulte à l'architecture gothique. Et aussi, il détruit le trumeau du portail central, le trumeau et le linteau, pour avoir cette porte qui permet de faire passer les dais de procession. Donc, pour des raisons d'utilité, hein, finalement, d'usage de la cathédrale. Et donc, Viollet-le-Duc et Lassus reviennent sur ces différentes... ce qu'ils appellent ces mutilations de la cathédrale, qu'il s'agit en fait à travers leur restauration de réparer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans leur texte ce positionnement en tant qu'architecte qui a été beaucoup repris d'ailleurs dernièrement, de dire que voilà, l'architecte doit s'effacer entièrement, oublier ses goûts, ses instincts, il ne doit pas créer, il doit se mettre au service d'une œuvre qui a déjà été créée par le passé. Et pour autant, quand on met vraiment en parallèle à la fois ce qu'ils disent dans ce texte et ce que finalement ils ont fait, on se dit... bah, peut-être qu'ils vont quand même beaucoup plus loin que ce qu'ils disent. Oui. Mais il y a quand même cette volonté de réparer les différents affronts qu'aurait subi la cathédrale auparavant. Et oui, parce que la première flèche, la flèche médiévale, était tombée parce qu'elle n'était plus en bon état. Enfin, elle avait dû être démontée parce que ça n'allait plus du tout. Dites-nous, Nicolas Reveyron, cette posture d'architecte, en fait, qui s'efface, ça va à contre-courant de l'architecte qui se met en avant, comme on va pouvoir évoquer un Mansart, ces grands architectes. Là, l'idée de Viollet-le-Duc, c'est de s'effacer pour retrouver le bâtiment tel qu'il était, mais tout en étant très présent quand même. Oui, tout à fait. Je crois pas qu'il soit... Enfin, c'est quelqu'un, je pense, qui est très attaché aux édifices et notamment très attaché à Notre-Dame de Paris. Donc, il y a une relation presque fusionnelle avec Notre-Dame, ce qui fait qu'il ne cherche pas à se mettre en avant, mais il est présent. C'est la fameuse statue de Saint Thomas qui va regarder la flèche pour voir si elle tient bien, qui est un peu l'équivalent de celle de Lassus sur la flèche de la Sainte-Chapelle. Hein. Les deux chantiers se sont finis en même temps. Et vous avez... Et ce Saint Thomas, c'est Viollet-le-Duc. C'est Viollet-le-Duc, tout à fait. Mais alors, parfaitement reconnaissant. Dans le cas de la statue de Lassus, qui est encore présente donc sur la flèche de Notre-Dame, il a fallu, sur l'équerre que tient saint Thomas, marquer tout un texte en latin pour désigner Lassus comme l'architecte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette fusion passe par une connaissance intime et une connaissance aussi par le biais des fantômes qui viennent le visiter. C'est Viollet-le-Duc, vous le savez, qui va dialoguer avec Villard de Honnecourt. On a deux textes, 1859 et 1860, deux articles, où il est dans son bureau, quelqu'un lui tapote sur l'épaule avec un accent du nord de la France, et c'est Villard de Honnecourt qui vient discuter, lui expliquer comment interpréter ses dessins, etc. Le fameux album de Villard de Honnecourt qui a été édité par Lassus. Eh oui, parce que là, ça nous replonge avec un bonhomme du XIIIe siècle quand même, Villard de Honnecourt, qui apparaît auprès de Viollet-le-Duc. C'est la grande période du spiritisme, hein, le XIXe siècle, c'est cette période où l'on pense que tout est possible, les progrès vont tellement vite que bah, tout est réalisable, et Viollet-le-Duc est l'héritier de ça, lui et tous les autres, parce que faut vraiment souligner, on dit Viollet-le-Duc, mais il n'est pas seul, les progrès sont très rapides, et n'évoquons que le chantier lui-même. Un chantier médiéval, ce n'est pas un chantier de Viollet-le-Duc. Il bénéficie des progrès de son temps. Et ça aussi, ça lui permet bah, notamment de faire une flèche très rapidement. Hein, cette flèche est construite. Hein. Enfin, c'est quelques mois. Oui, elle est construite vraiment très rapidement. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que cette flèche, en fait... Viollet-le-Duc et Lassus présentent ce projet ensemble, ils commencent le chantier ensemble, le chantier doit s'interrompre parce qu'il n'y a plus de financement, puis il reprend, et puis Lassus meurt. En 1857, en juillet 1857. Et en fait, on sait que Lassus s'interrogeait quand même sur le fait de reconstruire cette flèche, même si ils avaient présenté dans le projet en 1843 une flèche. Mais c'était une flèche qui reproduisait la flèche antérieure, la flèche médiévale, qui avait été démontée à la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, après la mort de Lassus, Viollet-le-Duc propose, quelques mois plus tard, un nouveau projet. En octobre suivant, il dépose un nouveau projet de cette flèche qu'on connaît. Et en fait, avant même d'avoir l'autorisation, il commence, pas à construire la flèche, mais en tout cas à préparer le chantier au niveau du transept, donc à mettre une grande cloison provisoire, sous prétexte d'être en train de restaurer le transept. En fait, il prépare la construction de la flèche. Et il va la construire effectivement extrêmement rapidement, grâce aussi à ses entreprises, notamment le charpentier Bellu, qui va vraiment travailler sur cet ouvrage de charpente, qui est quand même assez impressionnant, hein, c'est extrêmement complexe. Effectivement, c'est pas tout à fait exactement la même complexité qu'on a dans les charpentes médiévales. Moi, ça, c'est plutôt Nicolas qui pourrait en parler mieux que moi. Mais c'est une flèche dont nous avons l'ensemble des plans. C'est d'ailleurs ce qui permet aujourd'hui de reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc lui-même, j'allais dire, il n'a pas les plans des gens du Moyen-Âge, même si Villard de Necourt vient le voir de temps en temps et lui tapote sur l'épaule. Bah, il a plein d'exemples. Il voyage partout en France. C'est sa démarche aussi. Elle est beaucoup plus complexe, la flèche de Viollet-le-Duc, par rapport aux flèches médiévales? Oui, mais je voudrais revenir sur cette notion de fantôme qui est intéressante parce que c'est une réalité tout à fait concrète. Hein. Bon, vous savez que Victor Hugo faisait tourner les tables, etc. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça l'a beaucoup marqué, surtout après la mort de sa fille. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce contact avec le passé, c'est quelque chose de concret. Je prendrai un exemple simplement tiré de la grammaire des temps. Le passé composé, vous le savez, c'est le résultat présent d'une action passée. Un édifice, c'est le résultat présent qu'on a sous la main, qu'on peut tripoter, démonter, etc., des actions passées. Ce qui fait, je vous parle, si je peux me permettre, d'une expérience personnelle, après avoir travaillé plus de 20 ans sur la cathédrale de Lyon, en archéologie du bâti, au bout d'un certain temps, on rencontre effectivement les constructeurs. C'est-à-dire que en travaillant sur les parements intérieurs ou extérieurs, on voit très bien celui qui s'est trompé, celui qui a essayé de camoufler, parce qu'il voulait pas que ça se voit, puis il s'est dit, bon, de toute façon, d'ici 100 ans, 200 ans, on verra rien. Là où ils ont, au contraire, essayé de rétablir quelque chose qu'ils savaient pas faire à Lyon, le gothique, c'était très très maladroit, donc ils ont monté, démonté, remonté, on a tout ça sous les yeux. Et ça nous apprend le chantier médiéval. C'est très impressionnant parce que c'est un peu comme dans le théâtre Renault, vous savez, vous avez le fantôme qui revient toujours expliquer le passé pour pouvoir préparer l'avenir. Ouais, parce que ce 19e siècle est celui où le passé ressurgit, ce passé médiéval, il ressurgit aussi à l'opéra. L'air des Bohémiens, c'est le Trouvert de Verdi en 1854, enregistré à la Scala de Milan avec l'orchestre dirigé par Claudio Abbado. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Alex Dang et réalisation aussi Sam Bakiast. Dans cette passion médiévale que l'on a au 19e siècle, Bérénice Gossuin, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais on voit bien que cette passion médiévale, ce n'est pas seulement l'architecture. On a évoqué Notre-Dame de Paris, nous avons la littérature avec Verdi, nous avons la musique. Il y a cet univers-là qui fait que dans l'imaginaire, il y a une revisite constante du Moyen-Âge. Ça a une incidence sur tout ce que font ces architectes. Oui. En fait, ce qui est intéressant aussi de regarder, si on revient vraiment dans, à la jeunesse aussi de Viollet-le-Duc, c'est que il y a tout un mouvement qui participe à, alors évidemment il y a eu un mouvement romantique, etc., qui a redécouvert le Moyen-Âge dès le XVIIIe siècle, et arrive à un moment donné un autre mouvement qui cherche à réexplorer le Moyen-Âge, mais d'une manière qui se voudrait plus scientifique. Alors d'une part, il y a les historiens, notamment François Guizot, qui va travailler aussi sur le Moyen-Âge, et qui vont chercher à construire, parce qu'on est dans ce XIXe siècle, avec des soubresauts politiques, hein, quand même assez importants, qui vont chercher dans le Moyen-Âge une sorte de force vitale pour constituer aussi une nation, en fait, une identité nationale, on dirait, aujourd'hui. Et donc, dans le Moyen-Âge, ils voient ce mouvement des communes, qui est un mouvement d'émancipation d'une certaine bourgeoisie, et donc ils l'interprètent comme étant un peu le germe de ce qui se passe ensuite à la Révolution, et que eux veulent vraiment activer, hein, donc on est juste avant la Révolution de 1830, hein, et qui veulent réactiver pour fonder à la fois une société dans laquelle on aurait de la monarchie avec de la République un peu mélangée, et qui permettrait justement une émancipation, et aussi qui légitime la nouvelle classe la plus importante, et l'élite en fait nationale, qu'est la bourgeoisie. Parce qu'on va chercher dans le passé la légitimation de cette classe bourgeoise. Et puis, il y a aussi chez les architectes cette volonté justement d'un peu déromantiser l'étude du Moyen-Âge pour essayer d'en regarder quel en est l'essence, essayer d'en comprendre l'essence. Et ça, c'est vraiment quelque chose que va faire notamment Jean-Baptiste Lassu et que Viollet-le-Duc reprend aussi à son compte. C'est cette idée de dire que l'architecture gothique est rationnelle. Et ça, c'est ce qui fonde aussi tout le mouvement du rationalisme en architecture, qui va connaître une fortune absolument extraordinaire, hein, dont va hériter tout le XXe siècle. Et encore aujourd'hui, on nous parle de rationalisme en architecture, et ce rationalisme structurel revient dans le discours des architectes. Alors peut-être pas uniquement structurel, mais aussi cette idée d'une vérité dont Viollet-le-Duc parle beaucoup, une vérité des matériaux, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas n'importe quel matériau pour faire n'importe quoi. Quand on veut construire une voûte, on utilise de la pierre, on n'utilise pas du métal. Quand on veut construire en bois, on utilise certains types de structures. Et on n'essaye pas de mimer un autre matériau avec un autre. Le matériau doit être montré, vrai. On doit être vrai aussi suivant la fonction, c'est-à-dire que la fonction du bâtiment doit se lire aussi sur le bâtiment. Donc ça veut dire qu'on refuse toute cette symétrie du classicisme en architecture, parce que la symétrie, elle range bien. Alors que quand on commence à parler de la fonction sur les façades d'un bâtiment, d'un coup, on ne peut plus avoir la cuisine qui ressemble au salon. Voilà. Et donc, forcément, ça a eu des effets très, très importants dont on continue encore d'hériter aujourd'hui. Mais on trouve cette intimité que vous évoquiez, Nicolas Reveron, c'est-à-dire retrouver presque ces gestes. On parlait des matériaux, mais ça vaut pour l'ensemble. C'est presque un fantasme de Viollet-le-Duc de retrouver le geste, comment on faisait au Moyen-Âge pour construire ça, quitte à l'adapter au progrès, parce qu'il ne refuse pas du tout le progrès. Le geste, c'est très important, et vous avez parfaitement raison, parce que c'est ce qui se lit aussi sur les pierres du Moyen-Âge. Vous avez les traces d'outils. Et avec les traces d'outils, vous pouvez effectivement reconstituer exactement le mode de travail, comment se positionnait le tailleur de pierre par rapport au bloc, etc. Enfin, on peut multiplier les exemples. Vous avez une multiplicité d'outils pour arriver à réaliser les choses extrêmement fines, donc entre le 13e et le 15e, une évolution assez fantastique, mais ce qui est tout à fait fondamental, c'est que c'est la matière qui commande, comme disait Bérénice, tout à fait justement, la matière commande, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel matériau, et de ce fait, les gestes, depuis l'Antiquité jusqu'à notre époque, n'ont pas beaucoup changé, pas beaucoup évolué. La grande évolution, et je l'ai vu sur mes chantiers, c'est à la fin du siècle dernier, l'utilisation de scies pour aller scier les blocs, etc., qu'on va reparmenter ensuite pour leur donner une certaine allure ancienne. Mais les choses sont finalement très stables. Et quand on peut restituer un chantier dans toute sa vitalité, vous avez un très beau travail d'Arnaud Timbert sur le chantier de Pierrefonds, vous voyez comment les choses se déroulent, la position des travailleurs sur le chantier par rapport au chef d'atelier, par rapport à l'architecte, par rapport aux visiteurs. Il y avait beaucoup de visiteurs sur Pierrefonds, l'empereur et aussi les grands invités internationaux. Bref, c'est quelque chose d'extraordinaire vivant, mais qui est pratiquement la même chose que ce qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge. Ah ben, sous Napoléon III, oui, c'est sûr que Viollet-le-Duc s'amuse à Pierrefonds. Non, mais Pierrefonds, c'est dans l'Oise, hein, ce château qui existait déjà. Hein, il y avait ces ruines sensationnelles. Non, mais là, Viollet-le-Duc, il pousse un peu les choses au plus loin. Il fait le château idéal tel que l'auraient imaginé, selon lui, les constructeurs du 19e siècle, du Moyen-Âge. C'est bien ça, hein. C'est, il est fou, ce château. Oui. Mais il tente, hein. On voit bien, Pierrefonds, c'est tout à inventer. Oui, effectivement. Et Pierrefonds, c'est aussi un... Alors, on dit souvent que c'est un peu un cas particulier dans la carrière de Viollet-le-Duc, et c'est assez vrai, finalement, parce que c'est une commande de l'empereur et de l'impératrice pour une demeure à eux, donc plutôt privée. C'est financé sur l'argent personnel du couple impérial. Et Pierrefonds est en ruine, mais vraiment en ruine. C'est-à-dire que Pierrefonds a été détruit à la mine sous Louis XIII, hein, pour détruire cette forteresse qui avait été prise par les Anglais plusieurs fois, donc ça se retournait contre la France, etc. etc. Et d'abord, son premier projet, et c'est très singulier dans l'œuvre de Viollet-le-Duc, c'est qu'il conserve une partie de la ruine. C'est-à-dire qu'il décide de reconstruire certaines parties du château pour le rendre habitable, mais de conserver certaines parties en ruine. Et ça, c'est quelque chose de très singulier dans l'œuvre de Viollet-le-Duc. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on examine toute l'œuvre de Viollet-le-Duc dans ses projets, dans ses écrits, et en particulier aussi dans le Dictionnaire raisonné de l'architecture, on sent chez Viollet-le-Duc une sorte de refus de la ruine. La ruine, c'est pas du tout... Lui, il en a pas forcément une image pittoresque, etc. La ruine, c'est ce qu'il faut reconstruire. Donc là, c'est très singulier de voir que il accepte finalement, c'est tellement énorme, il accepte qu'une partie soit en ruine et il dit que ça sera très joli, très pittoresque d'avoir cette partie en ruine. Mais finalement, il va tout reconstruire, aussi à la demande de Napoléon III, qui n'a pas nécessairement très envie d'avoir un château partiellement en ruine. Et ce qui est très intéressant justement à Pierrefonds, c'est que il a une approche, Viollet-le-Duc, qui est à la fois archéologique, parce qu'il y a une vraie lisibilité de ses interventions. Il faut avoir le regard un peu aiguisé, mais dès qu'on commence à regarder un peu précisément, on se rend compte de ce qu'il a fait. Et puis, il y a aussi une dimension très créative, avec une interprétation, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur Sens, une interprétation des restes pour essayer de les faire repousser. Vraiment cette dimension très organique, hein, c'est comme un arbre dont on aurait coupé une branche et qu'on serait en capacité de faire repousser. Ben lui, il arrive à faire ça avec l'architecture, ce qui est quand même assez fou finalement quand on y pense. Et puis à Pierrefonds, il y a aussi tout ce travail sur le décor, sur la sculpture, avec ces chimères extraordinaires, mais qui ont la particularité, ces chimères de Viollet-le-Duc, en fait, d'avoir tout un travail sur les proportions des corps qui font que finalement c'est des animaux qui n'existent pas, mais qui pourraient exister d'une certaine manière. C'est un peu ces animaux, bon, finalement, ils n'ont pas abouti comme ça dans l'évolution, parce que évidemment, il a aussi toute une culture liée à la biologie, à toutes ces sciences qui sont en pleine ébullition au XIXe siècle. Il connaît ça très très bien, et donc il invente ces créatures à partir de choses qui pourraient arriver finalement. Et parce que à Pierrefonds, il y a le bâtiment lui-même, on vient de le dire, la reconstruction des tours, ce château qui aurait inspiré Disney pour le château du parc Disneyland. Mais il y a également à l'intérieur des salles, Nicolas Reveron, vous nous parliez des badigeons des églises qui étaient un peu moins à la mode au 19e siècle, qui reviennent à la mode. Mais à Pierrefonds, lui, il en met du badigeon. C'est-à-dire que là, il y a ses peintures partout. Il crée son Moyen-Âge à lui avec... que du tâtonnement, que de l'hypothèse, mais c'est très efficace. Avec, oui, c'est les tâtonnements, oui, vous avez raison. En fait, il s'exprime lui-même, c'est là où il est peut-être le plus présent, le plus affirmatif. Et il crée ces décors colorés qu'on va reprendre ensuite dans beaucoup d'églises qui ont ces fameuses peintures 19e qu'on avait tendance à enlever et que par chance, on a quand même conservé dans un certain nombre d'édifices. De ce fait, vous avez une création d'atmosphère. Et ça met en évidence un thème qui me paraît, moi, très important, dans la question de la restauration, qui est ce que j'appellerais la restauration d'atmosphère. C'est-à-dire que lorsqu'on restaure un édifice, on le voit très bien avec Viollet-le-Duc, on va restaurer, réparer, de telle sorte que ça tienne debout, et ensuite on va magnifier un peu le bâtiment en lui donnant une certaine unité. Mais tout ça touche, disons, le matériau. Vous avez des matériaux un peu immatériels, si l'on peut dire, qui interviennent dans l'édifice, ça va être par exemple la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui est prise en compte par les architectes du Moyen-Âge, qui vont créer de véritables effets de lumière, lumière puissance et en même temps lumière colorée, puisque c'est un tout. Et cette lumière-là, elle va être ensuite déclinée à l'intérieur. Ça va être le cas au XVIIe siècle avec les enduits gris que l'on met sur les murs. C'est le renouveau du XVIIIe où on blanchit. Hein, on a besoin au contraire quelque chose de très clair. Mais c'est aussi, ça c'est important, quelque chose que les architectes ne maîtrisent pas du tout, l'évolution de la ville. Quand vous avez une cathédrale, prenez la fameuse miniature de Fouquet, Notre-Dame sort complètement des toitures. Alors Notre-Dame n'a pas trop souffert dans son éclairage naturel, parce que du côté sud, qui est le plus éclairé, du côté est, qui reçoit le soleil et le vent, du côté ouest, avec la grande place, tout est libre. Mais si vous prenez beaucoup d'autres cathédrales, je pense tout simplement à celle de Lyon parce que j'ai travaillé dessus, vous avez des immeubles qui vont se construire au 18e qui occultent une grande partie des fenêtres. Et ça, c'est une transformation fondamentale de l'atmosphère. Mais cette atmosphère aussi, je finis là-dessus, c'est le sentiment que l'on a d'une époque, ce dont vous parlez depuis le début de l'émission, et comment on va transmettre le sentiment que l'on a dans un édifice. Donc c'est la raison pour laquelle c'est Gilles Kepel qui parle, vous savez, d'atmosphère très justement. Je pense que c'est un terme qu'il faut absolument appliquer à la restauration parce que vous avez toutes ces entrées qui font la restauration. C'est très pertinent, hein, la lumière comme matériau, ah oui, à prendre en compte, et cette atmosphère, et ce serait une faute professionnelle dans une émission consacrée à Viollet-le-Duc de ne pas laisser une petite place à des remparts. Je me fais vieux, j'ai 60 ans, j'ai travaillé toute ma vie, vieux. Sans avoir depuis tout ce temps pu satisfaire mon envie. Je vois bien qu'il n'est ici-bas de bonheur complet pour personne. Mon vœu ne s'accomplira pas, je n'ai jamais vu Carcassonne. On dit qu'on y voit tous les jours, ni plus ni moins que les dimanches, des gens s'en aller sur les cours, en habit neuf, en robe blanche. On dit qu'on y voit des châteaux grands comme ceux de Babylone. Un évêque et de généraux, je ne connais pas Carcassonne. Carcassonne par Georges Brassens, Carcassonne dont les remparts, le château ont été restaurés par Viollet-le-Duc. Pour conclure cette émission, Bérénice Gossuin, il faut vraiment insister sur le fait que Viollet-le-Duc n'a pas restauré au sens où il aurait replacé un bâtiment dans son état d'origine, il a créé aussi. Et c'est important de le dire pour qu'aujourd'hui, l'œuvre de Viollet-le-Duc et puis de tous ceux qui étaient autour de lui demeure, qu'on n'enlève pas tout ça. Exactement, parce que justement Carcassonne a été un lieu qui a été, la restauration de Viollet-le-Duc a été en partie supprimée, pas totalement, mais en partie avec le changement des matériaux de toiture. Viollet-le-Duc avait mis de l'ardoise et là c'est de la tuile canal qui a été remise sur certaines des tours. Mais effectivement je pense qu'il faut comprendre cette œuvre de Viollet-le-Duc qui est une œuvre très audacieuse mais qui est aussi une œuvre très expérimentale d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces architectes sont un peu, ils inventent quelque chose, ils inventent une pratique. Alors c'est facile depuis aujourd'hui de dire ah bah oui mais ils ont fait des bêtises. Bah oui, ils ont fait des bêtises évidemment. Quand on commence à inventer quelque chose, forcément on se trompe. Alors effectivement ça a des effets parce que c'est des architectes, donc ce sont des architectes, donc ils construisent et ils interviennent vraiment sur la matière des bâtiments. Mais néanmoins il faut aussi avoir un petit peu d'indulgence à mon sens à cet égard parce que en replaçant dans le contexte, ce sont des pionniers quoi. Et puis surtout Viollet-le-Duc il a posé un jalon en fait de cette pratique de la restauration qui est très importante avec une définition qui est aussi très difficile intellectuellement parce que restaurer un édifice ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé. C'est très mystérieux. C'est beaucoup de mystère. Et c'est aussi difficile à recréer que l'atmosphère que vous évoquiez, Nicolas Reveyron. Mais c'est ça aussi la puissance de Viollet-le-Duc, c'est d'avoir su créer cette atmosphère. Absolument, d'avoir su créer cette atmosphère en s'inspirant directement de l'édifice lui-même et en le démontant, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez là un cas de figure qui est d'autant plus étonnant que nous en avons hérité directement. En fait, entre Viollet-le-Duc, ou tout au moins le début du 19e, et notre époque, il n'y a pas énormément de différence. La restauration, par exemple, de l'arc, ce qu'on appelle l'arc triomphal d'Orange, qui est un arc municipal, par Caristie dans les années 1820, c'est un chantier assez long. Caristie a cette idée très importante de restaurer l'édifice, mais de laisser, par exemple, les chapiteaux bruts, pour bien montrer que c'est quelque chose de neuf, qu'on a remplacé, et de faire en sorte que tout tienne debout. Donc, tout ça, c'est aussi ce dont nous avons hérité. Et c'est pour ça que c'est formidable de vous entendre l'un et l'autre nous parler de Viollet-le-Duc et surtout cette mise en perspective. Lui, les autres et tout ce que nous devons à ces gens-là. Donc c'est pour ça on va conserver un petit peu hein, l'œuvre de Viollet-le-Duc. On va pas tout virer, on va garder quelques vitraux. Ce sera très très bien. Merci beaucoup à vous Nicolas Reveyron. Merci également à vous Bérénice Gosselin. C'était formidable ce petit voyage dans la France avec Viollet-le-Duc. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Voyez la merveille, dirait le trouvère en prenant son luth ou bien sa guitare. C'est à Pierrefonds en Oise qu'un beau jour de mai naquit cette histoire. Comment devenait-on un bon guide de montagne à la belle époque? L'organisation du marché des guides de montagne a débuté en 1823 à Chamonix, à une époque où la Savoie était encore rattachée au royaume de Sardaigne. Considérant que des guides inaptes compromettent grandement la sûreté des voyageurs et causent à la vallée et à la province des pertes incalculables, les pouvoirs publics entreprirent alors de circonscrire strictement l'espace professionnel des guides de Chamonix. Il fut décidé qu'ils seraient désormais sélectionnés et rassemblés au sein d'une compagnie définie par son excellence professionnelle. En contrepartie, les autorités offrirent aux guides locaux patentés le monopole de cette activité. À la fin du XIXe siècle, avec le développement des loisirs, d'autres massifs proposèrent des ascensions, ce qui permit à de nouvelles sociétés alpines de se former dans les Alpes françaises. Toutefois, alors qu'à Chamonix, l'institutionnalisation du monde des guides avait été impulsée par les pouvoirs publics, ce sont les alpinistes eux-mêmes, c'est-à-dire les clients des guides, qui prirent l'initiative. Ils créèrent des associations comme le Club Alpin Français, fondé en 1874, qui est devenu aujourd'hui une fédération comptant plus de 100 000 licenciés. Le brutal développement de cette activité touristique confronta ces sociétés à la pénurie de guides, dans un contexte où les journaux avides de faits divers accordaient une importance croissante aux accidents. Les sociétés alpines durent alors répondre à la demande de sécurité, en faisant en sorte que les alpinistes aient confiance dans leurs guides. La solution qui fut privilégiée fut d'associer les clients à la définition du bon guide. Des publications, comme l'annuaire du Club Alpin Français, créèrent des rubriques permettant aux alpinistes de donner leur avis sur la compétence de leur guide. En s'appuyant sur ces commentaires, les sociétés alpines ont progressivement institutionnalisé le marché des guides en créant un label de guide breveté, une hiérarchie par grade et des distinctions honorifiques. Les guides ont été dotés d'un livret contenant, outre le règlement et le tarif auquel ils étaient soumis, la liste des ascensions qu'ils avaient effectuées et les observations de leurs clients. Mais les témoignages d'alpinistes de cette époque montrent qu'ils se sentaient parfois gênés de juger ainsi les employés des sociétés alpines. « À la fin de la journée, écrit l'un d'entre eux, le guide vous tend son livret. Invariablement, que l'on ait été content ou non, on se croira obligé de faire son éloge en quelques lignes. Dans tous les cas, on se gardera bien de dire la vérité. On a peur de faire du tort à un pauvre diable. » On voit ici le trouble qu'a provoqué une innovation qui s'est beaucoup développée au cours de la période récente. Elle consiste à donner aux consommateurs un pouvoir direct sur les travailleurs en leur demandant de remplir des questionnaires de satisfaction. Aujourd'hui encore, celles et ceux qui ne veulent pas être complices de cette forme de domination ont tendance à réagir comme l'alpiniste que je viens de citer en refusant de répondre à ces questionnaires pour ne pas faire de tort aux pauvres diables qui risquent de perdre leur emploi. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudet, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster cette émission et toutes les précédentes sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.